Otaku, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Oritak, votre top Oricon version radio-anime. Aujourd'hui, nous allons voyager au temps du Club Dorothée. Mais avant cela, nous accueillons Tetsu. Bonjour Tetsu, comment vas-tu? Ça va, merci et salut à tout le monde. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors, je suis fan de manga depuis plus de 20 ans, j'ai une belle collection. Je suis admin d'un groupe Facebook et je participe à différents projets radio-anime. Ok Tetsu, je te propose de commencer le petit top du Club Dorothée, mais juste après ça. Le collège Foufoufou, tiré du manga s'appelant Kimen Gumi, disponible en France, est arrivé sur TF1 le 8 novembre 1989, comportant 86 épisodes, tous sortis en DVD. Faut pas exagérer, on n'est tout de même pas fait. Pour travailler comme des damnés, il faudrait inventer un collège Foufoufou, où tout le monde est fou. Un collège Foufoufou, et rien que pour nous. Un collège Foufoufou, où on ne fait rien du tout. Un collège Foufoufou. Faut nous laisser le temps de rêver, il faudrait inventer un collège fou fou fou fou où tout le monde est fou. Un collège fou fou fou fou, mais rien que pour nous. Un collège fou fou fou fou où on ne fait rien du tout. Un collège fou fou fou fou, c'est ça qui serait du tout. Un collège fou fou fou fou où tout le monde est fou. Un collège fou fou fou fou, mais rien que pour nous. Un collège fou fou fou fou où on ne fait rien du tout. Un collège fou fou fou fou, c'est ça qui serait du tout. Y aurait de la musique pendant le cours de physique, ce serait tout de même bien plus amusant. Tous les après-midi, on ferait surprise partie. C'est ce qu'on apprend mieux en dansant. Ce serait si bon, ce serait si doux d'avoir un collège fou fou fou. Faudrait chaque semaine au moins trois mercredis et commencer le week-end le lundi à 11h30. Un collège fou fou fou fou où tout le monde est fou. Un collège fou fou fou fou, mais rien que pour nous. Un collège fou fou fou fou où on ne fait rien du tout. Un collège fou fou fou fou, c'est ça qui serait. Fly, diffusé à partir de septembre 1994, est inspiré du manga qui lui l'a été des jeux vidéo Dragon Quest. Le manga est disponible mais pas encore de DVD en vue. grands combattants venus du fond des temps. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly, avec ses cheveux en bataille. Son courage n'a pas de faille, rien ne peut l'empêcher d'être toujours premier. Un îlot perdu quelque part dans l'océan, loin de tout et loin du temps. Un pays magique dans un monde fantastique, menacé par les méchants. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. Quoi qu'il fasse partout où il aille, c'est lui qui aura la médaille du plus grand combat. Bat Labor, issu du manga du même nom, comporte 47 épisodes de la saison 2 diffusée chez nous le 8 avril 1992 et disponible en DVD ainsi que les 3 longs métrages. Le manga en France n'est plus commercialisé et incomplet. Il me hisse. Nicky Larson, alias City Hunter, dont le manga et l'anime sont disponibles en France, a débuté le 2 novembre 1990 sur TF1 avec 140 épisodes. Tourbillonne de sa vie sans hésiter. Quand sa silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. On continue le haut du classement avec votre maître de cérémonie, Gigi. Merci. Alors, partons maintenant avec un animé culte du Club Dorothée tiré d'un manga célèbre de Akira Toriyama. Il s'agit de Dragon Ball, diffusé la première fois le 2 mars 1988 et contient 153 épisodes. Let's fight. les météores de Pégase. Je pense que vous l'avez deviné et reconnu, il s'agit des Chevaliers du Zodiaque, alias Saint Seiya, diffusé la première fois le 6 avril 1988 et il compte 114 épisodes. Les chevaliers du Zodiaque s'en vont toujours à l'attaque. Odai habite un lieu peu convenable pour sa réussite scolaire. Il décide donc de quitter les lieux. Mais arrivant au même moment, Ikkoku et Kyoko, animé sorti sur le Club Dorothée en 1987. Et il compte 96 épisodes. In a little while from now, I'm not feeling any less sad. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Now looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day, alone again, naturally, alone again, naturally. Des mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tout ce qui l'habitait. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, et je sais que tu es mon amie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, notre rayon de soleil c'est toi. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, à la pension des mimosas. À la pension des mimosas, Hugo est amoureux, Stéphane l'est aussi, que va-t-il se passer?

grand gagnant pour ce spécial anniversaire du Club Dorothée, roulement de tambour. Il s'agit de Inspecteur Gadget, diffusé au Club Dorothée le 30 septembre 1991 et compte 86 épisodes. Découvrez un inspecteur de police robotisé traquant le Dr Mad, son ennemi héréditaire. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas, ouh, ouh, ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Gadget à main. Flash. Gadget au chapeau. Hello. Gadget au poing. Hola. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe. Fait gaffe au gadget. Qui marche ou marche pas. Du plus bas t'attaque, Inspecteur Gadget. Là le chef qui est là, ouh, ouh. Salut chef, c'est moi, Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas, ouh, ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. Go, go. Gadget à main. Là-haut. Gadget au chapeau. Go, go. Gadget au poing. Élastique au gadget, et puis pas t'attraque. Inspecteur Gadget, voilà le chef qui est là. Ouh, ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget, ça n'en finit pas. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas, ouh, ouh. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. C'est moi que voilà, Inspecteur Gadget. Ah ça va être la joie, ouh, ouh. Au nom de la loi, Inspecteur Gadget. Je vous arrête là. Voilà, Horitac touche à sa fin, on se dit au mois prochain avec Tetsu et on se quitte avec le générique Pas de pitié pour les croissants. Et comme on dit au Japon, matane. Merci, à bientôt.